Dans mon île, quels oiseaux divins. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous. Et l'on paraisse sans songer à demain. Dans mon île, un parfum d'amour se faufile dès la fin. Me tendant ses bras de cils, douce et fragile, dans ses plus beaux atouts, ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin, et nous jouons au jeu d'Adam et Ève, jeu facile qu'ils nous ont appris. Guardateli, guardateli, sembrano italiani.